lassé d'avoir cherché. Un jour, je te rencontrerai là-bas, au bout du monde, où mon cœur vagabonde. Un jour, peut-être bien demain, un jour, dans le bleu du matin, c'est toi qui me tendras les bras. Dès que tu vas m'apparaître, sans un geste, sans un mot, je saurais te reconnaître et te comprendre aussitôt. Un jour, peut-être bien demain, un jour, dans le bleu du matin, c'est toi qui me tendras les demain, un jour, dans le bleu du matin, c'est toi qui me tendras.